J'aurais pu victime, j'aurais pu disquille, plus qu'il crée des criminels. Plus vite qu'ils ne les punissent. Ayant j'écris dit pour les puristes. Ceux qui en ville gravent le freestyle devant l'écurie. Ceux qu'on négligera. Ceux qui n'ont rien dans les poches quand la flicaille reprend ses droits en nous volant les nôtres. Chez nous pendant les votes. Et ouais, ça prône le renvoi à mal. Donne les droits de l'homme, s'arrête aux portes de Frambois. J'fais gaffe quand j'use mon opinion. Emprisonné injustement, la place de l'homme juste est en prison. Pas d'ambiguïté, non, je décris comment le délit commence, là où finit la nécessité. Méga vol, un droit d'expression, gueule au mégaphone sur une mégapole en voie d'extinction, c'est dingue, non? Chez moi, y'a pas que des bastons, on organise un open mic en marge du parc des bastions. Y'a mes garçons, de ce qu'on n'arrête pas, et moi je ferai quelque chose de ce qu'on a fait de moi. Donc on marche droit de ce qu'on n'écrase pas, car selon moi, je dois incarner ce en quoi je crois. Maintes et maintes fois, on court après le flou, se fait les coups, c'est vrai, faut répondre aux besoins qu'on s'est tous créés. Sans vous mentir, je crois qu'il faut qu'on vive tout simplement pour qu'on puisse tout simplement vivre. Comment dire, ce putain de fric rend trop barge, on se bute entre nous, y'a de quoi mettre plus d'un flic au chômage. Bref, je suis pas sur la piste de danse, je tiens mon stylo par la crosse, car j'aime quand ça pisse le sens. Tu sais bien qu'elle n'est pas changée, féroce comme avant, t'es bien. C'est peut-être juste du rap. Juste du rap. Mais je fais du hip-hop, le support de ma réflexion, ouais c'est juste du rap. Juste du rap. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce n'est qu'un outil d'introspection. Juste du rap. Mais je fais du hip-hop, le support de ma réflexion, ouais c'est juste du rap. Juste du rap. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce n'est qu'un outil d'introspection. Pour être honnête, leurs normes sont pas pour moi. Je travaille sur moi chaque jour pour être un meilleur homme. J'évite de lavage de crâne pour que ma rage se calme. J'entame un voyage de l'âme, je plonge à la poursuite de ce que je recherche. Je m'ouvre au monde car je ne suis que ce que je connais. Je donne mon avis, c'était du même, on va visiter mon être, peut-être qu'on pourra s'ouvrir à l'infinité. Range ton agressivité, y'a bien assez pour satisfaire aux besoins de l'homme, pas pour assouvir son avidité. Et hey yo, moi ça me touche qu'on me le promette, alors qu'on ne pourra jamais vivre tous comme eux. Je fais allusion à mon progrès, votre altesse. On fait partie de la solution, pas du problème. Vos promesses sont désuètes, des sujets, l'impression qu'on est des sujets. J'ai des unis, des jouets, merde. Je décris ce qui nous crugeait. Le comble, c'est que j'ai toujours pas lâché le chrome depuis le vide du sujet, tu sais. C'est dans ses cousins faux café. Mais être contesté, c'est aussi être constaté. Et je me répète, car on perd la mémoire. Je respecte les lois si les lois me respectent. Ma quête est personnelle, mais j'ai besoin de vous pour buter ce flic qui est dans la tête de chacun. C'est peut-être juste du rap. Juste du rap. Mais je fais du hip-hop, le support de ma réflexion. Ouais, c'est juste du rap. Juste du rap. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce n'est qu'un outil d'introspection. Juste du rap. Mais je fais du hip-hop, le support de ma réflexion. Ouais, c'est juste du rap. Juste du rap. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce n'est qu'un outil d'introspection. Et y aura plus d'obstacles. La clameur monte comme la marée quand le roi est dans son château de sable. Et ouais, faudra nous surveiller de plus près. Le combat contre la couronne est couronné de succès. D'ores et déjà, les remparts s'effacent devant la force d'une idée quand elle s'empare des masses. Mais sache que leurs lois sont faites de crainte. Et que si tu ne peux pardonner, ça ne vaut pas la peine de vaincre. Je reste optimiste. Je fous de ce qu'ils demandent. Je reste optimiste. Je vois la bouteille à moitié pleine d'essence. Je sais que notre pensée peut avoir de l'influence. Si on nous rap, c'est bien qu'on peut plus taire. C'est du rap conscient. C'est pour les flammes qu'on se mobilise. Pour les oubliés de la fortune. Les MC, les DJ. Les MC, les DJ. Je grave mes écrits, mes allégories, ma boîte noire. Je pense qu'on est bien plus que ce qu'ils voudraient nous faire croire. Comme des témoins de l'évolution de ma conscience. Un marqueur sur ce que j'ai mis longtemps à comprendre. Mes allégories, ma boîte noire. Je pense qu'on est bien plus que ce qu'ils voudraient nous faire croire. Comme des témoins de l'évolution de ma conscience. Un marqueur sur ce que j'ai mis longtemps à comprendre. Thank you. Shh.